Le livre des Nombres, c'est le quatrième livre du Pentateuque, c'est-à-dire le quatrième de la collection des écrits de Moïse. Il raconte l'histoire du peuple d'Israël traversant le désert pour parvenir aux frontières du pays promis, la Palestine. C'est pourquoi dans l'original, les mots « au désert » ou « dans le désert » qui figurent au premier verset servent de titre au livre. Mais alors, pourquoi s'appelle-t-il « Livre des Nombres » dans nos Bibles françaises ? Nous devons cette appellation aux auteurs de la version des Septante, une traduction grecque de l'Ancien Testament datant du IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Les auteurs de cette traduction ont choisi le titre « Arithmoi », ce qui correspond à « nombre », parce que le quatrième livre de Moïse contient deux dénombrements successifs du peuple d'Israël. Et pourquoi deux dénombrements ? Si le livre des Nombres relate deux dénombrements, c'est que près de 40 années se sont écoulées entre l'un et l'autre. Au chapitre 1er, les Israélites sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ont été recensés sur l'ordre de l'Éternel la deuxième année après leur départ d'Égypte. Quant au second dénombrement, également ordonné par Dieu, il intervint 39 ans plus tard, et il nous est rapporté au chapitre 26 du livre des Nombres. Il s'agit alors du dénombrement de la nouvelle génération d'Israël née au désert. Peut-être est-ce utile de préciser ici que le texte biblique passe parfois très rapidement sur de longues périodes et s'arrête davantage sur des événements précis. Ainsi, l'étape d'Israël au mont Sinaï était si importante qu'une bonne partie du livre de l'Exode, tout le livre du Lévitique et les 10 premiers chapitres du livre des Nombres lui sont consacrés. De même, le livre du Deutéronome rapporte presque exclusivement les paroles que Moïse adressa à tout Israël avant l'entrée en Canaan dans les deux derniers mois de la 40e année après la sortie d'Égypte. Est-ce à dire alors que le livre des Nombres remplit l'intervalle entre cette première et cette 40e année du voyage d'Israël au désert ? Oui, et même ce sont les chapitres 11 à 21 qui couvrent toute cette longue période. Mais revenons à des considérations d'ensemble sur le quatrième livre du Pentateuque. La première section des Nombres, soit les chapitres 1 à 10, sont consacrés aux préparatifs de départ du mont Sinaï. Lorsque le peuple est dénombré, chapitre 1er, le camp peut être organisé, chapitre 2. Puis, les fonctions des Lévites sont définies, chapitres 3 et 4. Ensuite, le récit parle successivement de la pureté morale, chapitres 5 et 6, des offrandes des chefs d'Israël, chapitre 7, de la consécration des Lévites, chapitre 8, et de la deuxième Pâque, celle qu'Israël célébra au désert, chapitre 9. Alors seulement, nous parvenons au chapitre 10, où les sacrificateurs sonnent de leur trompette d'argent pour annoncer le départ de cette plaine où Israël avait séjourné tant de mois. Nous abordons ensuite la deuxième section du livre des Nombres, les chapitres 11 à 21. Ils résument donc ce voyage de 39 ans qui, comme le précise le Deutéronome au chapitre 1er verset 2, aurait pu ne durer que 11 jours. Si vraiment les enfants d'Israël avaient pu parvenir à destination en 11 jours, pourquoi passèrent-ils 40 ans au désert ? Ils passèrent ces 40 ans au désert à cause de leur incrédulité. La deuxième section du livre des Nombres raconte 7 occasions particulières où Israël s'est rendu coupable en murmurant contre Dieu. C'était tout d'abord la contestation lors de la première étape du voyage, chapitre 11, versets 1 à 3, puis les murmures au sujet de la nourriture, chapitre 11, versets 4 à 35. Il y eut ensuite les critiques de Marie et d'Aaron contre leur frère Moïse, chapitre 12. Et nous arrivons à ces chapitres 13 et 14 qui évoquent la grande révolte du peuple, révolte qui fut décisive pour son châtiment. 12 espions avaient été envoyés pour explorer le pays promis par Dieu à Israël. 10 d'entre eux se laissèrent intimider par la puissance des Cananéens et découragèrent le peuple, tant et si bien que l'assemblée proposa de nommer un chef et de retourner en Égypte. Seuls Caleb et Josué furent d'un autre avis. Mais suite à cette révolte, Dieu décréta son verdict et je cite, livre des Nombres, chapitre 14, verset 34, « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. » Après une punition si sévère, les Israélites ont-ils appris la leçon? Eh bien non, les contestations ne cessèrent pas pour autant. Il y eut ensuite la révolte du Lévite Corée et de ses compagnons contre l'autorité de Moïse, chapitres 16 et 17. Puis, les contestations à Mériba, un endroit du désert où l'eau manqua, chapitre 20. Enfin, ce furent les murmures à la montagne de Hor lorsque le peuple fut décimé par les serpents, chapitre 21. Avec les chapitres 22 à 36, troisième section du livre des Nombres, nous parvenons donc aux événements survenus durant la 40e année après la sortie d'Égypte. Après deux batailles victorieuses, le peuple d'Israël dresse ses tentes dans les plaines de Moab. Alors le roi de la région prend peur et sollicite le devin Balaam pour maudire Israël, ce que nous racontent les chapitres 22 à 24 du livre des Nombres. Puis Israël désobéit encore aux ordonnances du Seigneur, se livrant à l'idolâtrie avec les Moabites. Il en résulte une terrible plaie, Nombre 25. Après le rappel de certaines lois, Nombre 27 à 30, les chapitres 31 et 32 décrivent la victoire d'Israël sur Madian, une tribu d'Arabie, et l'occupation de son territoire par des Israélites qui préféraient s'établir là, dans le pays, plutôt que de franchir le fleuve du Jourdain. Les chapitres 34 à 36 donnent de nouvelles instructions en vue de l'entrée en Canaan. C'est un peu le prélude au Deutéronome, livre essentiellement consacré aux avertissements que Moïse communiqua au peuple d'Israël durant les deux derniers mois de sa vie. La lecture du livre des Nombres peut nous laisser une impression de tristesse. Voici un peuple que Dieu a miraculeusement délivré de l'Égypte, dont il a pris soin durant son voyage à travers le désert. Or, sans cesse, il se révolte contre son Dieu. Et ce livre, qui met constamment devant nous l'extraordinaire fidélité de Dieu face à l'infidélité de l'homme, c'est aussi un manuel d'instruction pour notre marche chrétienne quotidienne. En effet, l'apôtre Paul est revenu sur ces événements pour nous dire qu'ils devaient nous servir d'avertissement. C'est ce que vous lirez dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10. Les murmures et les contestations compromettent toujours la vie de la foi. Il est possible à l'enfant de Dieu de sortir du monde, comme les enfants d'Israël sortirent d'Égypte, mais de perdre son temps ensuite dans le désert d'une vie infructueuse, sans jamais entrer en possession de l'héritage spirituel que Dieu lui destine. Il arrive aussi que le croyant se complaise dans une position qui lui paraît confortable à mi-chemin du but préparé par son Seigneur. Un peu comme ces Israélites qui, en s'établissant à l'est du Jourdain, se sont soustraits à leurs dépens au plan que Dieu avait pour eux. Mais, dans ce tableau relativement sombre, se détachent des points exceptionnellement lumineux. Permettez-moi d'en évoquer un, pour terminer cette courte étude. Je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 21 du livre des Nombres. Les versets 4 et 5 nous décrivent les murmures des Israélites se plaignant de leur sort et de leur nourriture. Cette révolte est dirigée contre Dieu, qui ne laisse pas les contestataires impunis et sévit en envoyant contre eux des serpents brûlants. Et, lorsque les enfants d'Israël sont dans la détresse, les voici qui crient à l'Éternel. Essayons de nous représenter la scène dans le camp d'Israël. De toutes les tentes montent des gémissements de douleur. Ceux qui ont été mordus par les serpents doivent mourir à brève échéance. Et soudain, une proclamation retentit dans le camp, un remède miracle est annoncé, Moïse a prié pour le peuple et la réponse de Dieu n'a pas tardé. Nous lisons Nombre 12, 8. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant » et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Un serpent a été sommairement modelé dans de l'air infondu. Puis Moïse l'a élevé sur une perche à la vue de tous. Et il suffit à ceux qui crient de douleur de regarder ce serpent pour conserver la vie. Un seul regard, et la souffrance s'atténue, le soulagement survient, la menace de mort est conjurée. Quelle remarquable image! Ce n'est pas étonnant que, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, le Seigneur Jésus soit revenu à cette scène de l'Ancien Testament dans son entretien avec Nicodème. Nous lisons Jean 3, 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Aujourd'hui, vous gémissez peut-être dans une souffrance intolérable. Je ne parle pas de la souffrance physique, mais de la douleur morale que le péché engendre, maintient et accentue. En cet instant, confessez votre culpabilité à Dieu. Jésus-Christ a porté votre condamnation. Plus, il s'est identifié à la cause de votre souffrance, devenant péché pour vous, afin que vous deveniez en lui justice de Dieu. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Un seul regard de foi à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ au calvaire vous assure la vie éternelle. Voulez-vous, en cet instant, jeter ce regard de foi pour avoir la vie? Le texte du chapitre 3 de l'Évangile selon Jean continue par ces mots. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est vous, c'est moi. Le fait de croire au Fils unique de Dieu nous soustrait au jugement et à la perdition éternelle et nous assure l'éternité de bonheur et de paix dans la présence de Dieu. Puissiez-vous tous en faire l'expérience.